Ndikomanyanga. Chancelier Mugisha Wimana sur la mise en onde à la coprésentation de ce journal. Je suis avec Doré Bingabide. Voici d'abord le sommaire. Le président du Comité national du dialogue social appelle les employeurs et les employés à trouver un terrain d'entente. Sylvestre Ndimanunganya le dit après que les représentants des syndicats se soient plaints qu'il y a des travailleurs de leur secteur admis à la retraite avant l'âge de 65 ans. Le propriétaire des parcelles de Kidzingobihara apprécie la façon dont est en train d'être géré leurs problèmes liés au conflit foncier qui les oppose avec l'association des natifs de la localité. Ils l'ont dit ce lundi lors de l'audience avec le président de la dite association. Les habitants de la zone urbaine de Nyakabiga crient à la réhabilitation de l'avenue de la République séparant les quartiers Nyakabiga 2 et Nyakabiga 3. Les détails, c'est dans le reportage de Mireille Kanyang et la chronique sportive de ce lundi axée sur l'utilisation de l'Internet qui a rendu facile le travail des journalistes sportifs dans le cas de la recherche et le traitement de l'information. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le président du Comité national du dialogue social appelle les employeurs et les employés à trouver un terrain d'entente. Propos tenus après que les représentants des syndicats se soient plaints et qu'il y a des travailleurs de leur secteur admis à la retraite avant l'âge de 65 ans. Le président Sylvestre Ndimanunganya indique cependant qu'en cas de mésentente entre les deux parties, le comité est là pour qu'il n'y ait pas de pacte aux parties lésées. Suivez-le dans ses propos recueillis par Sheila Irambona. Pour que l'opinion comprenne bien, il faut d'abord que je définisse ce que c'est effectivement le CNDS. C'est le Comité national de dialogue social. Et c'est un comité qui réunit trois partenaires importants du monde du travail, à savoir le gouvernement, qui est à la fois considéré comme employeur, parce que le gouvernement aussi a des normes personnel à son service. Mais le gouvernement est aussi le régulateur national. C'est celui qui élabore les lois, c'est celui qui les applique, etc. C'est le premier, le gouvernement. Ensuite, il y a l'association des employeurs du Burundi. Et enfin, il y a les travailleurs. Alors, quand il y a un problème tel que celui que vous posez, qui est là devant ses partenaires, soit ils le résolvent entre eux-mêmes à travers le dialogue ou à travers les mécanismes qui sont prévus par les lois, soit alors ils peuvent recourir au service du CNDS. Aujourd'hui, la question que vous posez, effectivement, je l'entends comme les autres, mais je pense qu'ici, il y a peut-être un rectificatif au niveau de la loi. La loi aujourd'hui au Burundi, si je me réfère à ce qui a été dernièrement décidé, considère qu'on entre à la retraite à l'âge de 60 ans. Et je pense que c'est peut-être là la raison qui fait qu'il y a des gens qui n'étaient pas préparés à entrer à 60 ans et qui considèrent qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Aucun des acteurs concernés, des partenaires concernés, en l'occurrence aujourd'hui ici, le gouvernement du Burundi et les travailleurs, personne ne nous a pas encore saisi. Le ministre est au travail dans ses attributions, est aujourd'hui attaché à trouver une réponse à cette question. Nous attendons pour voir ce à quoi ça va aboutir. Et là, au niveau du CNDS, au niveau du bureau du CNDS, nous attendons et le moment opportun, on pourra prendre une décision sur ce qu'il faudrait essayer de faire. Mais nous croyons que les deux partenaires, le gouvernement et les syndicats intéressés par le monde du travail, vont trouver une solution adéquate à cette question. Le message, c'est d'abord de lire correctement les lois qui régissent le monde du travail. Page justice à présent, trois mineurs parmi les cinq qui étaient en détention au cachot du commissariat provincial de Bubanza vont être libérés suite à la décision de la chambre de conseil tenue vendredi de la semaine passée. Le parquet de Bubanza déplore le fait qu'il n'y a pas de centre de rééducation proche, ce qui handicape certaines procédures. Les détails avec Space Caritas Kavanyan. Les cinq mineurs qui viennent de passer plus d'un mois détenus au cachot du commissariat provincial de police sont accusés de différentes infractions comme l'assassinat, le banditisme et autres. Au parquet de Bouvanza, on indique que la chambre de conseil tenue vendredi la semaine passée a décidé que 3 de ces mineurs soient libérés si le parquet n'interjette pas appel et les 2 autres vont rester en détention. Le procureur de la République à Bouvanza explique que par manque de centres de rééducation proches de cette province, ces mineurs doivent rester en détention en attendant la décision de la chambre de conseil. Ce sont les conditions qui nous obligent parce que les mineurs sont gardés, non pas dans les prisons, mais dans des centres de rééducation qui ont été spécialement établis pour les enfants, les mineurs en conflit avec la loi. Comme ces centres n'existent pas dans notre région ou dans notre province, nous sommes obligés de passer par certaines procédures, donc de couper certaines procédures avant d'arriver dans ces centres, notamment la chambre de conseil. Il faut qu'il y ait au moins chambre de conseil pour conduire ces enfants dans ces centres, parce qu'une fois conduits dans ces centres, vous comprenez que c'est loué de notre province, c'est loué des juges, ça va prendre du temps pour que ces enfants aient accès à cette justice, alors que le principe était que la justice soit proche d'eux. Jean-Claude Nsengiyumva ajoute que le manque d'avocats permanents handicape certaines procédures car les mineurs doivent être assistés. Des fois, il y en a les avocats qui viennent nous assister ces enfants, mais dans ces jours-ci, nous sommes obligés de côtoyer un seul avocat qui existe ici, au chef-lieu de la province de Bouvanza. Dans toute la province, il n'y a qu'un seul avocat qui loge et des fois il est absent, soit occupé par d'autres préoccupations. Et nous sommes obligés de l'attendre ou de chercher d'autres ailleurs, ce qui peut aussi handicaper la procédure normale. Bon, au départ, il y avait beaucoup d'associations, que ce soit pour la femme juriste, il y a aussi parfois la FENADEB, et même deux fois notre ministère, via le service d'aide légale, peut nous envoyer des avocats. Les avocats qui ont assisté ces mineurs lors de la chambre de conseil de vendredi sont de la FENADEB et de l'Association des femmes juristes. Les défenseurs des droits des enfants dans cette province demandent la multiplication des centres de rééducation afin de faciliter les procédures en rapport avec les enfants en conflit avec la loi. Spes Caritas Kabanyana, Bouvanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous le dis en titre, le propriétaire des parcelles de Kidzingo Bihara, commune urbaine de Moua, apprécie l'état d'avancement du dénouement des conflits fonciers autour de leur propriété. Ils l'ont dit ce lundi lorsqu'ils étaient venus voir le président de l'association des natifs de Kidzingo Bihara au bureau de Lobua Siza Jabé. Alexandre Abunimana, représentant de ses habitants, se dit satisfait des échanges et espère que cela prendra un bon chemin. Le point avec Jean-Marie Mayonk. Nous sommes à Jabé, au bureau de Lobua, communément appelé Setemu. Les propriétaires de parcelles de Kizingwe et Bihara sont venus pour demander s'ils peuvent avoir de l'éclaircissement sur leurs parcelles. Certaines disent qu'ils ont trouvé la superficie de leur parcelle réduite, tandis que d'autres disent qu'ils n'ont pas trouvé leur nom sur les listes affichées par l'association APTKB. Le représentant de ces habitants, Alexandre Aburimana, dit qu'il est satisfait du déroulement des échanges avec le représentant de cette association APTKB et espère que les travaux vont bien se dérouler. Nous sommes ici parce que lundi passé, nous avions fait un entretien, je dirais une réunion avec son excellence monsieur le ministre des infrastructures et des logements sociaux. Vous savez qu'il y a longtemps que les propriétaires se plaignent toujours et qu'ils n'ont pas été satisfaits de l'affichage qui a été fait. Et il y a, je dirais, une question commune des parcelles qui ont diminué leur superficie pour tout le monde. Ça, je dirais que c'est une question commune, mais il y a aussi des questions personnelles. Et nous sommes maintenant convenus avec le président de la PTKB qu'à partir de demain matin va commencer à recevoir cette doléance et traiter pour donner enfin des réponses favorables à tout propriétaire qui se plaigne. Et nous espérons que les choses pourront prendre un bon chemin. Beta Hippolyte Nouaché, représentant légal de l'association APTKB, appelle tous les propriétaires des parcelles de Kizingwe Bihara à approcher les responsables de cette association pour être régularisés. L'activité de régularisation de ces citoyens comme a été recommandé par le ministre des Infrastructures, devrait être achevé jusqu'en date du 30 août de cette année. Merci Jean-Marie Mayonga. Nous vous le disons également dans nos titres que les habitants et usagers de l'avenue de la République, séparant les quartiers Nyakabiga 2 et 3, demandent que cette avenue soit réhabilitée sur toute sa distance. Sur toute sa distance, excusez. Plus loin, au quartier Mutanga Sud, l'avenue Sigubziaye est en train d'être refaite à la satisfaction des habitants. Les détails avec Mireille Kanyang. Nous sommes à l'avenue de la République. Cette avenue est pleine de nids de poules à partir de l'avenue de l'Université. Des travaux de réhabilitation ont débuté, mais n'ont pas continué. Seul le tronçon situé entre les 12, 13 et 14e avenues a été réhabilité. Les usagers de cette route font savoir que les véhicules tombent en panne et demandent que cette avenue soit refaite dans sa totalité. Cette route est en mauvais état et ça nous met mal à l'aise. Les véhicules de nos bosses tombent en panne. Nous voyons que les pièces de rechange sont chères. Il n'y a pas de travaux sur cette route. Que les autorités réhabilitent cette avenue. Nous avions eu espoir quand on a vu que les travaux commençaient, mais ça n'a pas duré. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes fatigués. Notre prochain escale a été l'avenue Sigouviaye au quartier Mutanga Sud, une avenue qui part du boulevard Mwenzigisabo. Elle est aujourd'hui en cours de réhabilitation pour être goudronnée. Les habitants de la place apprécient ces travaux et demandent que d'autres avenues soient faites, notamment l'avenue dite Nadel. Pour ces endroits non encore refaits, ingénieur Sylvestre Nsanzerugedi, directeur général de l'agence routière du Burundi ARB, promet de réagir dans nos éditions ultérieures. Merci à Mireille Kanyang pour ce reportage de Nyakaviga Cap sur Rumonge, où les travaux de réhabilitation de la RN3 tronçon Rumonge-Gitaza nécessitant la carrière ont été interrompus 5 mois durant. À l'origine, c'est le refus par une ex-députée élue dans la circonscription de Rumonge de l'indemnité de location de là où devrait être aménagée une piste donnant accès à un site carrière sise sur la colline Minagwa en commune province Rumonge, selon ingénieur Gide Nijimbere, secrétaire permanent au ministère ayant les infrastructures dans ses attributions, qui demande du coup l'intervention du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions dans ce dossier. Pour le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, l'administration doit chercher un autre terrain domanial et de même superficie à donner à cet ex-député qui doit céder ce terrain pour l'intérêt public. N'est-ce pas, Jean-Pierre Misako? Cette autorité évoquée est une ex-députée élue dans la circonscription de Rumonge. Egide Nijimbere, secrétaire permanent au ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements Sociaux, lors de la descente en commune Bugaramaso 7 juillet 2023, dit être déçu par les agissements de cet ex-élu du peuple qui a refusé l'indemnité de location d'une partie de sa parcelle où devrait être aménagée une piste d'accès vers un site d'extraction de la carrière sur la colline Minago pour la réhabilitation de la route nationale numéro 3 tronçon Rumonge-Gitaza et a même entraîné le refus d'autres habitants de la localité qui avaient pourtant accepté cette indemnité. Cet agissement a entraîné l'arrêt des activités 5 mois durant, avec toutes les conséquences que cela entraîne sur le coût des travaux, dit Egide Nijimbere, avant de solliciter l'intervention du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions qu'il avait accompagné dans cette descente. Pour le ministre Martin Iteretse, il est hors de question d'indemniser cet ex-élu du peuple. L'administration devra seulement identifier une autre parcelle du domaine de l'État qu'elle donnera à cet ex-député pour céder ce terrain concerné. Pour ce ministre, l'intérêt public doit primer sur l'intérêt privé. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. L'utilisation de l'Internet a rendu facile le travail des journalistes sportifs dans le cadre de la recherche et le traitement de l'information. Rachid Alfred, journaliste sportif senior, fait savoir que les défis qui s'observent sur l'usage de l'Internet sont les rumeurs qui sont propagées par certains journalistes qui ont l'intention de nuire. Il exhorte ces journalistes de changer le comportement afin de traiter l'information en respectant l'éthique et la déontologie journalistique. Les détails dans cette chronique sportive avec Jean-Marie Vianney Gendakouman. Les réseaux sociaux sont venus comme une solution pour le travail des journalistes sportifs. Ceux-ci trouvent facilement les formations à travers les différents sites. C'est redimoué Rachid Alfred, le journaliste sportif senior. Il y a quand même une facilité parce qu'un journaliste peut choisir une nouvelle de n'importe quel pays en cherchant sur les websites. Par exemple, vous voulez une nouvelle sur le Burundi et vous captez une website qui donne des nouvelles sur le Burundi, du sport, je sais pas, ou les résultats des matchs et tout ça. Alors que les scripteurs, nous, on attendait des dépêches qui nous sont envoyées par les agences en passant par les téléscripteurs. Voilà la différence. Rachid Alfred déplore toutefois des rumeurs qui sont propagées sur l'Internet par certains journalistes, soit par méconnaissance, soit par l'intention de nuire. Les rumeurs, ça peut exister aussi sur l'Internet, comme ça existait aussi sur les téléscripteurs. Ça n'est pas de l'envoyer, de la nouvelle ou un journaliste qui a été à l'origine de l'information. Et il peut donner une nouvelle qui n'est pas exacte ou qu'il a exagéré par exemple, où il a été un peu penchant sur quel sujet. Ce vétéran journaliste précise que les informations erronées peuvent provoquer des conséquences néfastes au niveau de la société. Vraiment, ça, il faut l'éviter. Pour les jeunes journalistes, par exemple, j'ai conseillé d'être prudent, surtout en sport, par exemple, parce que ça peut causer des dégâts, ça peut causer des bagarres dans les matchs et tout ça, parce que vous avez diffusé une information qui n'est pas exacte, par exemple. Ça peut créer des remous, des bagarres, des blessés, ou même des morts, par exemple, dans quelques pays. On a vu ça quelques pays. Donc, il faut être juste, même si en grandissant, en étant enfant, en étant élève, ou je sais pas, étudiant, avant d'embrasser la carrière de journaliste sportif ou professionnel de l'information, vous apparteniez à une équipe et vous sympathisiez, je ne sais pas quelle équipe. Une fois, quand tu deviens journaliste, il faut être très, très exact, non aligné. Donc, il faut donner l'information exacte. Selon encore Rachid Alfred, les jeunes journalistes doivent exercer leur métier dans le strict respect de l'éthique et la déontologie journalistique. Le conseil à donner à nos jeunes, c'est que faut éviter d'être partisan, d'être aligné quelque part en donnant une information. Il faut donner l'exactitude de l'information pour éviter des ennuis ou d'être taxé de partisans comme ça. Il faut dire l'exact, l'information exacte. Non pas pencher pour celui-là ou celle-ci. Donner l'information exacte parce que la vérité toujours finit par triompher. Ça n'a rien à faire. Envie de promouvoir la presse sportive au Burundi, Rachid Alfred appelle le Conseil national de la communication à suivre de près les émissions animées par certains jeunes journalistes qui ne respectent pas la loi législative au métier et s'il faut même leur infliger des sanctions, mais dans le souci de corriger. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Chancela Mugisha Wiman pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Nziko Bananga. J'étais à la coprésentation avec de Auré Bingabide. Les émissions continuent sur Isanganiro.